Bonjour, bonjour à tous. En DAB+, à Paris, en DAB+, à Mulhouse, sur Pinode, dans le monde et ailleurs. Bonjour et très heureux de vous retrouver, là encore, pour un nouveau Cargo Cult. Cargo Cult, j'allais les compter, mais ça y est, non, j'ai oublié, on ne sait plus, ça y est, ça veut dire qu'on est déjà à pas mal de numéros, et ça c'est bien. Je suis très heureux que cette nouvelle saison vous fasse encore plus participer. Vous avez été nombreux à beaucoup apprécier, d'ailleurs, Carl Stone la semaine dernière, ça j'en suis très content. Parce que Carl Stone est quand même quelqu'un d'extrêmement à part dans le paysage musical, et puis un de ces rares personnages qui est à la fois un pied dans l'académisme le plus formel, mais en même temps avec un instinct de recherche incroyable, et les pieds dans la musique pop, toutes sortes de musique populaire, et ce grâce à son talent qu'on a largement dépeint la semaine dernière, l'art du sample, le king of sampling. C'est ainsi que le Village Voice parlait de Carl Stone. Donc du coup, aujourd'hui, je trouvais intéressant de le mettre d'une certaine manière, mais pas du tout de façon compétitive, en vis-à-vis avec un autre King of Sampling. Et alors pour le peu, lui, il a été sacré, consacré et reconsacré King of Sampling. Je parlais de Jay Dilla. Alors on disait aussi J.D., mais enfin sa dernière incarnation, son vrai nom, son vrai pseudonyme le plus reconnu, c'est Jay Dilla. Jay Dilla, il est né James Yancey en 1974. J'oserais dire que c'était un de ces genoux du hip-hop. Soyons francs et disons-le tout de go, d'ailleurs, Jay Dilla est le dernier génie issu de la culture hip-hop. Et cherchez pas après, il n'y en a pas eu d'autres. Et il n'y en a pas eu tant que ça avant non plus. Donc Jay Dilla est un monstre sacré et une légende. Alors cette légende, bon, alors évidemment, il y a certains n'hésitent pas aujourd'hui à, parce qu'il est mort, et je parlerai beaucoup de sa mort, évidemment, parce qu'elle est au centre en fait du disque qu'on va écouter aujourd'hui, Donuts, son dernier album, Donuts d'ailleurs au singulier, comme un beignet. Le titre d'ailleurs vaut son pesant d'or, mais je dirai pourquoi après. Mais aujourd'hui, les hagiographies sur Jay Dilla sont tellement nombreuses et parfois outrancières que parfois, on dit « Ok, calmez-vous », parce que du vivant de Jay Dilla, tout le monde n'en parlait pas tant que ça. Le Mozart du hip-hop, c'est le Guardian en Angleterre qui titrait ça en 2011. Voilà, bon, ok, ce qui est très bon, c'est clair. C'est le James Dean du hip-hop, j'ai envie d'ajouter, parce qu'il meurt en pleine gloire, évidemment, fusillé comme ça par le sort et attrapé par la mort. Certainement le dernier génie du hip-hop, ça je pourrais le répéter plusieurs fois. Disons-le tout de go, répétons-le. T'es pas quelqu'un de très connu du grand public de son vivant. Mais en fait, c'est un musicien pour musicien. Il est extrêmement réputé, à défaut d'être connu, dans le milieu. Pour ses productions, pour ses remixes. Le son de Jay Dilla est extrêmement identifiable, extrêmement conséquent. C'est un remixeur de génie, extrêmement à l'aise, avec deux concepts qui sont liés l'un et l'autre dans les hip-hop, c'est-à-dire le sample et la compression. Au niveau du sampleur, son outil roi, c'est la MPC. Alors la MPC, c'est un de ces outils, c'est un sampleur en fait, qui a connu plusieurs générations, ça fait 30 ans, peut-être même 40, on va dire 30 ans que la MPC est là, mais alors elle a connu voilà, une version 1, 2, 3, 4, 12, 1000, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est un instrument toujours produit par Akai, et voilà. Et contrairement au rack classique qu'on pouvait trouver dans les studios, chez les producteurs hip-hop, mais c'est pareil aussi dans toute musique électro finalement, la MPC est un petit meuble, si vous voulez, doté de pads. Autrement dit, ces pads, c'est des petits outils percussifs qui permettent d'envoyer comme ça à la volée des samples, etc. Donc il y a un rapport extrêmement physique comme ça avec le sample qui n'est pas du tout commun dans les autres sampleurs. Voilà, je pense notamment au Akai S900, puis S1000 et puis toute la ribambelle aussi faite donc par les constructeurs japonais de Akai qui était finalement Akai avait fabriqué son propre concurrent, si vous voulez. Mais il est clair que la MPC s'adressait davantage à des producteurs hip-hop, et puis le S900 et ses petits frères à l'électro ou à la... Enfin, là encore, hein, les frontières étaient extrêmement poreuses encore. Et l'autre identité sonore de Jay Dilla, c'est la compression. Une compression énorme, énorme, mais même outrancière en fait. Une hérésie chez des preneurs de son orthodoxes, si vous voulez. Mais qui chez Djadila, avec des effets de pompage comme ça extrêmement prononcés, devient une signature, devient une marque de fabrique en fait assez savoureuse, parce que finalement extrêmement gérée. La compression, c'est ce qui ramasse les dynamiques, c'est ce qui fait que finalement la différence entre vos bas volumes et vos hauts volumes sont très resserrés. Mais la compression, c'est aussi une forme d'élasticité qui se gère avec un temps de release. Et chez Djadila, elle est justement, cette élasticité, elle est relativement prononcée, ce qui donne comme ça des effets de pompage particulièrement savoureux sur les basses, etc. Et vous allez voir que dans le disque qu'on va entendre, ces effets-là sont même portés sur le sample lui-même, l'intégrité et l'intégralité d'un sample, c'est-à-dire une citation, une voix, etc. Voilà. Alors, voilà pour cette présentation, je dirais un tout petit peu sommaire. Je vais tout de suite à la presque conclusion, c'est que Djadila est quelqu'un qui meurt beaucoup trop tôt. C'est quelqu'un qui meurt à 32 ans. Il est atteint d'une anémie en fait extrêmement radicale. Il va passer 9 mois à l'hôpital. 9 mois à l'hôpital avant d'en sortir et mourir après. L'album dont j'ai parlé aujourd'hui, Donut, qui sort en 2006, sort 3 jours avant la mort de Djadila. Et au moment de la sortie de l'album, Djadila, il est paralysé sur un fauteuil, il ne peut plus bouger, il a perdu 20 kilos. Et dans les mois qui ont précédé, les longs mois qui ont précédé, ces 9 mois de 2005, à cheval d'ailleurs entre 2004 et 2005, Djadila va composer l'album que vous allez entendre là, et de quasi briquet de broc, depuis l'hôpital. C'est un chant du cygne. Et c'est absolument déchirant. Alors comment on arrive là? Parce que Djadila ne vient pas évidemment par hasard. Au début des années 2000, c'est une star. Non, je reviens à ce que je disais au départ. Il est de notoriété non publique, mais en tout cas, il est ultra estimé et reconnu dans un milieu professionnel. Alors et pour cause, puisqu'il a déjà travaillé avec, je jette comme ça tout de go, avec le Far Side, De La Soul et Tribe Quest, spécialement Q-Tip, Busta Rhymes. Alors effectivement, De La Soul, Tribe Quest, c'est des parrains spirituels chez Djadila. Djadila, c'est quelqu'un qui va reprendre les axiomes et les influences de la Native Tongue 10 ans après. La Native Tongue, c'est cette école new-yorkaise qui a été initiée par les Jungle Brothers, mais à leur suite immédiate, popularisée par A Tribe Called Quest, donc Q-Tip, et bien sûr De La Soul. On avait campé dans les colonnes de Cargo Cult, le fameux, ultra fameux, Three Feet High on Rising de La Soul. Voilà, donc Jedi, il est en filiation de ça, il s'en cache pas, nourri de Rare Groove, et dans un temps qui va venir assez vite, dans les années 90, cette deuxième partie des années 90, on va trouver Jedi aux manettes de pointure. D'Angelo, Erykah Badu, Kanye West, évidemment. Donc, voilà, Djadila cartonne. Voilà. Alors, je dirais Djadila. C'était les années Djadi, d'ailleurs, ça. Et c'est après que le pseudonyme Djadila va être plus mis en avant. Et chose intéressante, c'est que cette troisième incarnation d'un producteur finalement très très jeune, et c'est la définitive, va peut-être être la plus underground. Il va retourner à des choses relativement sommaires, fricotées avec d'autres artistes qui eux-mêmes sont un petit peu hors des champs quand même. Je pense notamment à Madlib. Madlib, c'est ce sampliste producteur et qui prenait une voix de prenez voix de canard comme ça, alors sous un autre pseudo d'ailleurs, mais qui a quand même fait complètement date, et quelqu'un qui est toujours là. Donc ils avaient fait un projet commun qui s'appelait J-Lib, très intéressant, il n'y a qu'un disque, mais ça vaut le coup quand même de le manger. Voilà. Donc voilà un petit peu d'où vient Djadila. Et anecdote quand même à s'initier, quand il doit être sur l'année de ses 18 ans, quoi, il découvre quand même ce qui va être son instrument, plus que fétiche, hein, c'est son instrument son outil, son instrument, la fameuse MPC, MPC de Akai, MPC 2000, on doit être aujourd'hui, enfin peu importe, il y a des numéros comme ça à satiété. Et c'est en 1992 qu'un musicien de Parliament Funkadelic, donc de l'entourage de George Clinton, l'introduit à cet outil. Et le gamin tombe amoureux de la machine. Et non seulement il en tombe amoureux, mais il va devenir un virtuose, mais extrêmement vite. Alors là, allez chercher en ligne, vous trouverez des vidéos qui montrent un petit peu à satiété comment Jaddy programme à la volée finalement cette MPC. Et il en joue comme d'une beatbox finalement, hein, et c'est assez fabuleux. Voilà. Autre élément biographique, pour le peu rarement nommé, c'est qu'il a une petite, enfin plus qu'une petite, une formation classique, Jaddy, et c'est un joueur de cello. En tout cas, il l'a été. Donc, amusez-vous juste comme ça pour le fun à chercher combien d'artistes, rappeurs, MC, producteurs, hip-hop, ont fait des études de cello dans leur jeunesse. C'est probablement le seul. Voilà. Alors, le cello, c'est le violoncelle. Pardonnez-moi cet anglicisme. Voilà. Allons au disque qui nous intéresse aujourd'hui, A Donut. C'est le deuxième album solo de Jaddy La. Le premier était sorti sous le nom de Jaddy La aussi. Un mode plus formel qui, finalement, comme pas mal de producteurs un petit peu en vogue, va convoquer des amis MC pour aller partager la vedette sur certains titres. Voilà. Alors, ce sont des albums toujours intéressants parce que c'est bourré de featuring qui peuvent être plus ou moins inspirants. Mais de vous à moi, ce n'est pas ce disque-là qui consacre Jaddy La, loin de là, en fait. Ce disque aura pu se perdre dans d'autres, quand bien même il a eu une forme de succès. Et au départ, même plus que celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le fameux Donut en 2006. Alors, on y va, on attaque. Quitte à arracher les larmes, parce qu'il y en a pas mal dans ce disque. Un donut, c'est un beignet. C'est-à-dire, c'est ce beignet de pomme, avec ce gros trou au milieu, et puis cette bonne pâte bien gonflée, grasse et sucrée autour. Oui, un beignet. Qu'est-ce qui ressemble plus à un beignet, à votre avis, qui est tout aussi délicieux et qui est à croquer pour un producteur hip-hop ? Un 45 tours. Voilà. Ça en a la même forme. C'est pas beaucoup plus gros, selon les standards américains. Et ce fameux donut, donc, est un hommage aux 45 tours, la matière première des samples qui vont composer et qui vont être dans l'interprétation du disque final de Jaddy La. Alors pourquoi des 45 tours ? Je le répète, Jaddy La est 9 mois à l'hôpital, quasi cloué au lit, et donc loin de son home studio, ça va de soi. En conséquence, il va se doter d'un matériel ultra portatif et être énormément aidé par sa mère, sa propre maman, qui va régulièrement lui apporter les galettes, ces fameux donuts. Donc, elle vient, les caisses pleines, des 45 tours de la famille. Et ces 45 tours, c'est des 45 tours de la toute jeunesse de Jaddy La, finalement. Il est né en 74. Donc, c'est les disques qu'il a entendus au biberon de par sa mère. Les Jackson 5, les Silvers, Eddie Kendricks, John Warwick, encore avant, puis aussi de la pop blanche, Tennessee notamment, et puis quelques premiers pas électro comme ça, bigarrés, ceux qui avaient été signés en leur temps par Malcolm McLaren avec le fameux Buffalo Girls, Mantronics aussi, Curtis Mantronics à New York. Donc, des disques qui ne sont peut-être pas ceux qui l'écoutent et surtout ceux pas avec lesquels il travaillait de son vivant, quoi. En tout cas de son avant-maladie. Donc Maureen, Mother Maureen, que dans le milieu hip-hop on appelle Ma Duke ou Mama Dukes, elle a eu une importance considérable dans le développement de ce disque. Elle-même, c'est une musicienne, hein. c'est une vocaliste entraînée qui chante du jazz et de la musique classique aussi. Voilà, donc elle participe pleinement, en tout cas en tant que fournisseuse, dealeuse de disques et de ces fameux donuts auprès de son fils, à la fabrication du disque qu'on comprend aujourd'hui. Alors, ok, certes, avoir une petite platine Numark sur ses genoux à l'hôpital, mais quoi d'autre ? Bah oui, il faut pouvoir travailler avec. Pas question ici de travailler avec la MPC. La MPC, quand bien même c'est quelque chose, c'est un outil portable, il n'est pas non plus pocket-friendly. Donc, c'est un autre équipement avec lequel va travailler Jadila, qui est un sampler aussi, et plus ou moins modélisé sur la MPC, mais un format beaucoup plus petit, beaucoup plus cheap en fait, n'hésitons pas à le dire, un tantinet fragile, et au moment où il est dans les mains de Jadila, encore à sa toute première version. C'est le Boss SP303. Boss SP 303, comme la TB, mais à part que là, on parle d'un sampler. Le lien avec la TB, la fameuse bassline TB303, fait par Boss, hein, puisque ce sont les mêmes constructeurs, c'est Roland en fait, donc toujours le constructeur japonais Roland. Boss est une sous-marque de Roland, sachons-le. Ben voilà, SP303, ça convoque l'univers du TB303, et SP comme sampler, bien sûr. Et il reproduit cette même approche tactile du sample avec des pads, alors très petits, hein, finalement, ils sont à peine plus gros que des touches d'ordinateur, et puis quelques réglages hein, qui vous permettent de slicer le sample là où vous voulez, lui trouver un début, lui trouver une fin, et puis effectivement jouer de ces jeux de slice, d'inversion, enfin des truchements qui sont devenus assez classiques maintenant dans la manipulation de sample. Chez Jadila, j'insiste sur la virtuosité du geste. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont faites en temps réel. Et la beauté de l'album, il y en a plusieurs, mais moi je trouve que la beauté de l'album vient peut-être des samples les plus simples, les plus évidents. Beaucoup de titres tournent en fait autour d'un seul sample, un seul. Mais alors en son, plutôt qu'une citation comme ça mise sur 4 mesures ou à peine plus, comme c'est assez traditionnellement le cas dans le sample hip-hop, c'est une manipulation, une relecture finalement assez proche des techniques qu'on écoutait ensemble la semaine dernière avec Carl Stone, mais aussi ces techniques de piratage artistique fin, comme les Plunderphonics de John Oswald, les fameux pillages phonographiques. Et c'est amusant parce que finalement, Jadila change de camp en travaillant ce matériau-là. Il rentre dans quelque chose qui est finalement, formellement, assez proche de l'art sonore et de la musique concrète. Alors quand bien même, il ne se revendique pas, et puis il n'a pas à se revendiquer, l'intérêt n'est pas là, j'ai envie de dire. Mais nous, on a tout à fait le droit de faire ces rapprochements après coup, et voir en plus comment cette discipline-là est au service d'un groove absolument fabuleux, parce que là, sinon, il faut arriver aussi à l'essentiel de ce disque, c'est toute l'émotion qu'il porte. Avec ces citations retransformées, groovy à outrance, et qui, et alors là, finalement, on arrive au troisième caractère qui est assez notable sur Donut, qui sont finalement des épitaphes. Parce que Jadila est extrêmement conscient de sa mort prochaine. Et c'est plus que de la conscience, c'est de la douleur. Et dans les moments de conscience, il fabrique ce disque. Donc il est, dit-on, parce que ça, après, c'est relativement sans fin. Hein. C'est comme l'analyse d'un poème après coup, finalement. Il est truffé de citations à la mort, mais aussi aux amis, au recueillement, au partage, etc. Et effectivement, difficile d'ignorer ces convocations-là. Est-ce qu'elles sont fantasmées de la part d'un public qui est fan aujourd'hui de Jadila, de la part d'une audience proche et d'amis qui ont pleuré la perte de leur ami, ou est-ce qu'elles étaient vraiment là de par la volonté de l'artiste? Ma foi, qui sait, mais on peut finalement toujours s'interroger. Alors là-dessus, d'ailleurs, je vais éviter aujourd'hui une forme de psychanalyse de comptoir qui a été faite sur ce disque, parce qu'en fait, il s'en est truffé. Enfin, je veux dire, il existe en ligne énormément d'analyses sur ce disque, au point où il y en a trop. Les hommages sont merveilleux, en plus ils sont mérités, mais il y en a presque trop. Il y a un étudiant, par exemple, à Austin. Austin, c'est une ville universitaire du Texas, qui a fait un mémoire entier sur l'album dont je parle aujourd'hui. Et au bout d'un moment, c'est un peu aride quand même. Je dois vous l'avouer, je l'ai lu finalement pas avec autant de plaisir que ça, parce que c'est un moment où on oublie juste la vraie émotion du truc, quoi. Donc il ne faudra pas l'oublier. Alors, non seulement on ne va pas l'oublier, mais je vais dans cette petite présentation liminaire que je poursuis un peu, je vais essayer de marquer un peu les choses comme ça qui frappent fort. Donc ce sample, citation entière, si vous voulez, qui est finalement plus un remix qu'un sample, c'est une des caractéristiques de pas mal de morceaux qu'on entendra là. L'autre, et elle se fait juste évident à la lecture du tracklist et quand on a la pochette dans les mains, c'est que cet album qui fait 44 minutes est composé de 31 morceaux. Vous vous rendez compte ? Quasi 30 morceaux, un peu plus même, sur à peine plus de 40 minutes. Donc, vous l'aurez compris tout de suite, ces morceaux sont super courts. Parfois, c'est du jingle. Ils font tous entre une minute et deux minutes, en fait. Et parfois, moins d'une minute. Il y a une seule chanson, celle qui arrive assez vite au début, qui reprend, qui fait un copier-coller d'une chanson assez savoureuse, d'ailleurs, de 10cc, un groupe anglais qui avait marqué les années 70, surtout grâce à leur ballade « I'm not in love ».« I'm not in love ». Mais qui, derrière cette chanson un peu... tutélaire, cachait en fait pas mal de ressources et notamment des trucs relativement groovy qu'on peut inspirer des DJ hip-hop, vous en aurez la preuve, presque immédiatement avec le deuxième morceau, celui qui précède juste le titre d'ouverture, l'introduction d'ouverture de Donut aujourd'hui. Un motif récurrent qui donne énormément de force à tout le disque, c'est la sirène. Alors les sirènes. Dilla adorait sampler des sirènes. Et alors, il les pioche pas mal, d'ailleurs, dans le milieu de l'acid house, du début, etc. Les dance floors adoraient la sirène. Je soupçonne qu'ils l'adorent toujours. On me dit qu'il n'y a plus de dance floor. Oui, effectivement, pardon, mais ils vont revenir. Puis vous pouvez toujours les garder dans la tête. Dancing in your head, comme disaient certains. Donc, la sirène Dilla, vous allez voir, c'est plus qu'un motif. C'est une pulsation. Il y a une dizaine de sirènes qu'on va entendre sur ce disque. Et puis, ma foi, puisque je suis dans les citations, je ne vais pas tous les nommer, mais il y a effectivement dans ce patrimoine un peu soul, funk des années 70 et même parfois 60, on trouve Shuggy Otis. On trouve James Brown, alors ça étonnera personne. Avec la Franklin, Eddie Kendrick, je crois que l'avait nommé auparavant. Voilà. Mais alors aussi des choses qu'il faut quand même aller un petit peu chercher, c'est du Raymond Scott, par exemple. Quoi. Raymond Scott, c'est un de ces gros papas de la musique électronique, à la fois en tant qu'inventeur, mais aussi un de ses papas du sound design, puisqu'il a été le premier à populariser la musique électronique au service de jingles, de création publicitaire. Et du coup, de se faire une manne financière colossale avec ça en son temps. Donc voilà. Quoi dire d'autre ? Il y a tellement à dire. Je crois que je vais peut-être un petit peu me poser et puis revenir un petit peu sur ce qui se passera, sur les suites après. Voilà. Bienvenue dans ce champ du cygne, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Bienvenue dans ce format un petit peu à part qui, finalement, vous allez le voir, ça parle beaucoup plus à... c'est pas tant un album qu'une mixtape, finalement. Et c'est une mixtape qui casse les genres, qui casse les codes. Parfois, c'est totalement arythmique. Il y a des pains, des erreurs. Vous croyez sincèrement que ce sont des erreurs ? Non, pas du tout. C'est des trous sciemment mis comme ça et qui donnent comme ça des respirations complètement incroyables. Alors voilà, sur des titres de 13 secondes et puis des fois des titres, comme je dis, il n'y en a qu'un seul qui dépasse 2 minutes. C'est le Walk On It emprunté, directement vraiment emprunté pour le peu à 10cc, je l'évoquais, mais autant que je détaille clairement, vous allez l'entendre dans 15 secondes maintenant, qui est le seul titre qui fait 2 minutes et 57 secondes. Autrement dit, titre qui s'apparenterait à un timing de chanson ordinaire. Voilà, bienvenue dans ces 31 titres à couper le souffle, d'une beauté inouïe, qui font du hip-hop peut-être l'une des musiques les plus belles et les plus spirituelles qu'il y ait à ce moment-là, et bien sûr sans enlever tout l'aspect extrêmement sensuel et sexy qui en découle. Jay Dilla, de main de maître, alors qu'il est en train de mourir, sortez pas les mouchoirs, mais convoquez plutôt le groove et vos meilleurs pas de danse. On s'en reparle dans 45 minutes, à tout de suite. Mm-hmm. Mash. Tomorrow People. What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. The name of the game is Lightworks. Baby, now. line up, government. There's a lot of sincere confusion about just what the doctor said. Too much too soon. Yes, yes. I was bad. when I was bad. Take me across her lap. She used to whip me with a strap when I was bad. When I was bad. It's a just cause I really love you, baby. I really love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Baby, you really love me. Just cause I really love you. Standing at the bus stop and I heard a voice behind me say, oh, I just fell all apart inside because I hadn't heard that voice in such a long time. I turned around. Thank you. La guillotine, la mort. Et c'est la mort qui baigne tout cet album, on le sait. Et j'ai dit là, veut que ça sache. Et si on doit se livrer à une explication de texte, parce qu'il y en a eu plein, et elle court le web, n'hésitez pas à jeter un œil, mais si on doit se jeter à corps perdu justement dans l'explication de texte, selon le, sur cette unique fin, qui s'appelle Donut Intro. Alors que le tout premier morceau de l'album, lui, est Donut Outro. Autrement dit, l'introduction et l'outroduction sont inversées. Rapide coup d'œil sur les samples qui composent l'introduction inversée et donc cette outro qui va ouvrir le disque. Deux samples qu'il faut prendre littéralement au pied de la lettre, à peine besoin de traduire. Stay with me, ça c'est emprunté à Gary Davis, et Not Available, emprunté à Shuggy Otis. C'est donc ce qu'on entend dans l'outro, qui est, vous me suivez bien, dans le début du disque. Toute fin du disque, et donc ce couperet qu'on vient d'entendre, exactement les mêmes samples, de Gary Davis et de Shuggy Otis, dont, je répète la teneur sémantique, Stay with me, reste avec moi, Not available, pas disponible, puisque mourant, et donc ajouté dans le titre sensiblement plus long d'introduction, qui est en fait la conclusion, si on a toujours moyen, ce sample archi-groovy de la chanson When I Die par Mother Lode. When I Die. Quand je meurs. Et c'est donc ce qui se passe. Alors, pourquoi intro et outro mélangés? Finalement, je vais juste demander, mais remettons les choses à l'endroit. C'est-à-dire que commençons donc par lire la intro et à la suite de cette intro, nous allons donc entendre en deuxième temps cette outro, mais là peut-être plus spécialement la mettre en boucle. Et voilà ce que ça donne. Welcome to Ace Rodney. Rodney talks for the superstars. Tonight, Wade's guest, the incredible. We'll be right back. Oui, c'est sans fin. C'est sans fin, finalement, c'est un sillon fermé. Donc, la mort, oui, mais... rebirth, quoi. Quelque chose comme ça, qu'on peut espérer. Merci d'avoir été extrêmement réactif là sur ce chat. C'est extrêmement geek encore aujourd'hui, hein, notamment avec les réflexions de Kay et AY, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce traitement sonore. Effectivement, à fond les manettes, hein, ça ne vous aura pas échappé. C'est de l'hérésie dans la prise de son orthodoxe, mais finalement là, voilà, c'est aussi le son d'une époque. Je suis assez d'accord avec cette remarque. Voilà. J'avais encore des choses à dire. J'aurais dû prendre plus long finalement. C'est un petit peu comme les gâteaux. Faut mieux prendre plus que ce que vous avez envie au départ. Voilà, faut penser au boulimique où nous sommes. Je vous retrouverai néanmoins avec quelque chose de plutôt très très très différent la semaine prochaine. Je lance le match entre My Bloody Valentine et Kraftwerk. Ouais, c'est proche. Hein. My Bloody Valentine et Kraftwerk. À vous de choisir. Les deux sont forts, évidemment. Hein. Bonne écoute de ces dernières secondes de Jadila, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne continuation à tous. Dear wisdom, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, d subject.